J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Gil Blas, 4 novembre 1890. L'avortement. Je voudrais bien qu'on me dise d'abord où et quand il commence. J'ai peu habitué les lecteurs du Gil Blas à leur en compter de raides, mais vrai, il me coûte cette fois de mâcher les mots. L'homme qui se garde des suites d'une rencontre, la femme qui préserve immédiatement ses échéances futures, sont-ils donc des avorteurs? En bonne logique, la loi devrait dire oui. Et avorteur aussi, oh non, le vilain homme qui semait son blé en herbe, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Israël de germer et de moissonner. Mais à ce compte, les collèges, les pensions, les casernes, les couvents, les navires, toutes les agglomérations d'adolescents, d'hommes, de femmes, où les sexes isolés s'appellent et s'illusionnent, sont des fabriques d'avortement. Et à quel moment est-il légal, l'avortement? À quel moment ne l'est-il pas? L'Église est logique au moins dans ses interdictions, dans ses défenses. Mais le code, ah, le blagueur. Comme si la conscience, la seule loi du monde, faisait ses distinctions et s'abritait derrière ses subterfuges. Dès qu'un être a été lâché sur la terre, si petit, si frêle, si touchant dans sa laideur et dans sa faiblesse, dès qu'il a vagi son premier cri, agité ses menottes, dénoué ses petons, il vit, il est sacré. Avant, il y a une femme, et rien qu'une femme, vous m'entendez bien? Cela est si juste qu'en cas d'accouchement difficile, les médecins n'hésitent pas. Ils sauvent la mère et laissent l'enfant dans le néant. On les étonnerait rudement, cela, en les traitant d'avorteurs. Mais la repopulation, disent les économistes. La repopulation, misérables hypocrites. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Et comment osez-vous prononcer ce mot? La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles? Les tiolés de 10-12 moutards qui, dans votre état social, ne trouvent ni de quoi se nourrir, ni même de quoi se loger. Que fait-on pour les chefs de nombreuses lignées? Où est leur récompense? L'encouragement qu'on leur offre? L'appui qu'on leur accorde? L'aide qu'on leur prodigue? L'allègement de leurs charges, de leurs pesants devoirs, de leurs écrasantes obligations? Rien. La peine, la misère et le suicide au bout, voilà leur lot. Avant que d'imposer des célibataires, ou que d'aller fouiller dans le panier à linge sale des sages-femmes, la loi ferait vraiment bien de payer ses dettes. Moins de faubouriennes, même mariées, éviteraient un accroissement de postérité si le Paul à venir ne devait pas arracher le pain de la bouche de Jacques, Pierre et Jeanne. En se privant de tout, c'est la gêne. Un de plus, ce serait la misère. Elles se font quelquefois avorter par amour maternel, les ouvrières. On ne se doute pas de ça dans l'économie sociale, ni dans la magistrature non plus. Quant à celles qui risquent leur vie pour sauver moins leur réputation que le repos de ceux qui les entourent, elles sacrifient à un préjugé dont le code seul est responsable, car ce n'est certes pas la nature qui en a eu l'idée. Lorsque les hommes ont placé l'honneur des hommes sous le cotillon des femmes, ils auraient dû songer en même temps à ne pas imputer de crime et à ne pas frapper de châtiment tout acte commis par la femme pour sauvegarder l'apparence de cet honneur-là. Le contraire est illogique et cruel. Séverine.